devant chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Sam Kitoko. Pastori Sam Kitoko. Vous a tous salué au nom de Jésus-Christ. Arimi salimia mwebo te mujina ya Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Notre Dieu, Mungu wetu, au nom de Jésus-Christ, mujina ya Bwana Yesu Kristo, du fond de nos cœurs, nous te disons merci. Na moyo wetu wote, tunasema asante. Nous sommes séparés depuis vendredi. Tuliachana tangia musiku ya kazitano. Chacun de nous était dans ses occupations. Kila mmoja wetu alikuwa mu makazi yake. Mais dans ta grâce, tu nous as conservé la vie. Alakini kwa neema yako unatuacha bajima. Et tu nous as amené ici. Na unatuleta hapa. Pour recevoir une portion de ta parole. Jua kupokea sehemu ya neno lako. Seigneur, pardonne nos péchés. Bwana usamehe mazambi zetu. Pardonne nos iniquités. Usamehe uovu wetu. Et pardonne tous nos manquements. Na usamehe maukosefu yetu yote. Nous ne venons pas à toi parce que nous sentons fort. Atukuje kwa kujua tunajiona kwa banguvu. Nous sommes saints. Wala tuko watakatifu. Mais notre espérance et notre confiance. Alakini matumaini yetu. Est fondé sur l'œuvre du calvaire. Inayengwa yulu ya kazi ya msalaba. Sur ce sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Yulu ya ile damu ilimwangika juu yetu. Ce n'est pas pour les hommes saints. Haina juu ya watu watakatifu. C'est pour les pécheurs comme nous. Ni juu ya watenda zambi sawa sisi. Regarde-nous avec un œil de miséricorde. Utuangalie na richo ya buluma. Et nous vivrons dans ta présence. Na tutaishi mwepo wako. Ce matin vient. Asubuhi ya leo kuje. Parce que tu as promis d'être là. Juri laka kuja pale où on s'assemble en ton nom. Pale wanakusanyika mujina lako. Ce n'est pas au nom d'une tribu. Aina mujina ya kabila fulani. Ou au nom d'un parti politique. Wala mujina chama cha siasa. Ou d'une mutualité quelconque. Wala juri ya kikulima. C'est au nom de Jésus Christ. Alakini ni mujina ya Yesu Kristo. Viens Seigneur. Kuja Bwana. Guéris nos âmes. Uponye manafsi yetu. Sauve nos âmes. Okoe manafsi yetu. Guéris nos corps et nos esprits. Uponye mili yetu na roho yetu. Et nous bénirons ton nom. Na tutasifu jina lako. À ceux qui sont malades. Wabenye kwa bagonjwa. La guérison est ton domaine. Utunzo njo yako. À ceux qui ont des problèmes. Wabenye kwa na mahitaji. Toi seul tu as la solution. We peke njo kuna jibu. Nous te recommandons cette église entre ta main. Tunakuachilia ikanisa mikono yako. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Bénis la parole que nous avons lue. Ubariki neno tutasoma. Sois l'interprète de celle-ci. Upate kwa mtafsiri wayo. Et donne-nous un entendement meilleur. Na utupatie kusikiliza kuzuri. Tout pour la gloire de ton nom. Yote juu utukufu wa jina lako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 3. Mu Danieli sura ke tatu. Commençons au verset 1. Tutanzia mstari ya kwanza. Nous prendrons le verset 4 et 5. Tutachugua tena mstari ya 4 na 5 jusqu'au verset 6. Kufika na mstari ya 6. Et nous prendrons le verset 8 jusqu'au verset 11. Tutachugua mstari ya 8 kufika na 11. Daniel chapitre 3. Daniel sura yake ni 3. Le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or. Mfalme Nebuchadnezzar alichonga sanamu ya zahabu. Haute de 60 coudées. Ya burefu ya 60 coudées. Et large de 6 coudées. Na mbunene ya 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura. Aika ishimamisha mule mubonde ya Dura. Dans la province de Babylone. Mujimbo ya Babeli. Au verset 4. Musari ya ine. Un héros cria à haute voix. Na mshujaa mmoja akalalamika na sauti ya nguvu. C'était un officier. Ni jemadari wa jeshi. Un annonciateur. Wala ni wakupasha habari. Enero cria à haute voix. Huyu mpasha habari akapaza sauti yake ya nguvu. Voici ce qu'on vous ordonne. Nazameni ile wanamiagiza. Peuple, nation et homme de toute langue. Mwe mataifa na watu wa maruga zote. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Wakati ile mutasikia mulilio ya parapanda. Du chalimau. Ile ya chalimau. De la guida. Ya nzenze. De la cymbic. Ya cymbic. De palterion. Ya palterion. De la cornemuse. Ya cornemuse. Et de toutes sortes d'instruments de musique. Na ya aina yote ya mililia chombo ya vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Mwenye mutainama na kuabudu ile sanamu ya zahabu ile mfalme anafunga. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Yeyote ula takatala kuinama na kuabudu hii sanamu batamutupa pale pale mtanuri ya moto. Au verset 8. Mstari ya 8. À cette occasion. Kwa ile wakati. Et dans le même temps. Wakati moya moya ile. Quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Wakaldea wamoja wakakaribia na kustaki wa Yuda. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar. Wakachukua sauti na kusema na mfalme Nebuchadnezzar. Ô roi, vie éternelle. Ô mfalme uishi milele. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette. Urleta agizo na kusema ya kwamba bote wale watalisikia mulilio ya parapanda. Ainsi de suite. Na vyombo vingine. Et toutes les autres instruments na vyombo vingine vya kuimba navyo devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Baripashi bainame na bapate kuabudu hii sanamu ya zahabu. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Kufuatana na ile agizo ni ya kwamba yeyote ule atakatala kuinama na kuabudu hii sanamu atatupwa mtaruri ya moto. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Bantu bale awakuheshimia hata kidogo wewe mfalme. Qui ne servent pas tes dieux. Ababudu mamiungu zako. Et n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar fut irrité et furieux. Akakuwa na hasira mkubwa. Donna cet ordre qu'on mène Shadrach, Meshach et Abednego. Akaleta yagizo ya kwamba babalete Shadrach, Meshach na Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Na babantu bakabaleta mbele ya mfalme. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Vendredi, nous avons beaucoup parlé sur l'adoration de la statue d'or que Nebuchadnezzar avait érigée. Mukazitano turigawia sana yulu ya kuabudu kwa huyu sanamu huyu mfalme Nebuchadnezzar alifanya. Tout le monde petit et grand. Bantu bote bakubwa na badogo. Militaire ou civil. Baskari wala basipo kwa baskari, baraia. Tous les hommes qui habitaient le royaume de Nebuchadnezzar. Batu bote wale walikuwa na kiti mfalme ya Nebuchadnezzar. Comme celui qui dominait sur toute la terre. Sawa ni yeye ndio alikuwa anatawala mwili wakati dunia mzima. L'ordre allait jusque dans toutes les langues de la terre. Agizo yake irienda pali pote pa dunia. Et parmi tous les peuples qui habitent sur la surface de la terre. Na katikati ya batu bote bakaji ya dunia. il fallait qu'ils adorent la statue que Nebuchadnezzar avait érigée. Nous avons montré que cette statue qui avait été dressée à Babylone, il est barisimamisha kule ku Babeli, laquelle devait être adorée par tous les habitants de la terre, na ile baripashi bayabudu kwa bakaji bote bapadunia, est un type de l'image de la bête, ni picha ya nyama, du conseil et communique des églises, ya mungano ya makanisa ulimwenguni, de la marque de la bête, picha ya nyama, que Satan doit organiser sur toute la surface de la terre. Ile shetani atatengeneza pa dunia mzima. Comme cela fut organisé au temps de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Paka vile walitengeneza kwa ule Nebuchadnezzar mfalme wa Babeli. Lorsque une statue en l'honneur de Daniel fut érigée. Wakati ile walijenga sanamu kwa ajili ya kumheshimia Danieli. Pour entraîner tous les habitants de la terre de l'adorer. Jua kusukuma taifa yote mdunia mzima wapate kuiabudu. Nous avons dit vendredi. Mukazitano tulisema. Que cette histoire que nous lisons dans Daniel au chapitre 3 et cette adoration de la statue d'or que nous voyons dans Daniel chapitre 3 était une scène qui fut commanditée par le diable. Il kwa ni mandamano ile shetani alitengeneza pour entraîner toute la terre dans l'idolâtrie, afin de doter le véritable croyant de Jéhovah, le véritable adorateur du Dieu vivant, de la scène. Cette histoire, ce que nous voyons ici, c'était une chose que Satan avait préparée pour que toute la terre tombe dans l'idolâtrie en l'adorant. Si vous avez suivi très bien tous les royaumes d'Israël et même le royaume de Juda, ces royaumes sont finis, ont fini leur course dans l'idolâtrie. Et si vous avez une bonne mémoire, même lorsque nous avons parlé de cet état de l'Église des nations, vous avez vu que chaque âge terminait sa course dans l'idolâtrie. Et tous les royaumes de la terre finissent leur course dans l'idolâtrie. Nous avons expliqué cela en disant que cela a été toujours l'objectif de Satan depuis que Lucifer s'est révolté au ciel. Tangia Lucifer alitomboka kule kumbingu. Et depuis qu'il a été précipité de la terre, tangia wali mutupa pa dunia, il a seulement un seul objectif. Eko na kifukuzie kimoja tu. Il faut que toute la terre s'incline devant lui. Inapashe dunia mzima ipate kuinama mbele yake. Comme il avait vu vilalionaka Dieu au ciel, Mungu kumbingu, avec les anges, na ba malaika wako na mwabudu au ciel. Tous les anges, tous les kérubins adoraient le Créateur, adoraient le Seigneur. Tout le monde voiler leur face. Batubote banafunika uso yao. Na kulalamika mtakatifu mtakatifu wa milele wa majeshi. Et lui voulait être aussi adoré. Na yalipenda bamwabudu vile vile. Comme il avait manqué son objectif. Ile alikosa kifukuzi yake kumbingu. Il est descendu avec le même plan sur la terre. Alishuka na ile map la moyo moyo pa dunia. Et il ne faut pas oublier cela. Na mushisabu ile mambo. C'est pourquoi aujourd'hui Satan se fait adorer dans les hommes politiques. Satan se fait adorer dans les rois. Satan se fait adorer dans les dignitaires. Satan se fait adorer dans le soleil. Il se fait adorer dans, par toutes les créatures. Il se fait même adorer dans les prophètes, dans les pasteurs, dans les prédicateurs, il est le roi de la beauté, il se fait adorer dans beaucoup de choses. Oui, bien aimé frère, c'est son objectif. Vous voyez bien aimé frère, il fait tout ce qui a son pouvoir pour que toute la terre l'adore. C'est pourquoi nous sommes avertis. La lumière du soir nous a dit. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement la statue que vous pouvez ériger comme cela fut au temps de Nebuchadnezzar. Mais aujourd'hui, tout ce que vous aimez avant Dieu est une idole pour vous. Tout ce que vous aimez avant Dieu, vous l'adorez, vous devenez idolâtre. Ta femme peut être une idole, ton mari peut être une idole, tes enfants peut être une idole, ta maison peut être une idole, ton argent peut être une idole. Vous voyez, ton champ peut être une idole, ton argent peut être une idole, tes habits peuvent être une idole. Voyez, c'est pourquoi nous devons être prudents. Même l'église peut être votre idole. Tu peux aimer plus l'église que la parole. Tu es membre d'une église, tu combats pour cette église, mais tu vis par la parole de Dieu. Tu vis comme un païen, mais membre de cette église-là, mais avec beaucoup d'affection envers cette église. Vous êtes seulement un idole. Et votre place n'est pas au ciel. Votre place est dans l'enfer. Oui, bien mes frères. C'est pourquoi nous avons lu Ézéchiel 28. Nous avons lu Ésaïe 14. Nous avons lu 2e Thessaloniciens chapitre 2. Satan a cet objectif de se faire adorer. Il dit, moi je monterai, je me placerai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez bien mes frères. Donc faites très attention. Aujourd'hui, on ne peut pas peut-être d'une manière charnelle, on ne peut pas mettre une statue comme nous le voyons dans les églises nationales et dans l'église mère. Aujourd'hui, ceux qui adorent la statue en bois, en marbre, ce sont des idoles des idoles terre à terre. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Mais nous devons veiller à cela. Nous avons dit ceci clairement. Si cette statue a été érigée à Babylone pour obliger à tout homme de la terre, tout habitant de la terre de la gloire, c'est aussi donc du Conseil mondial des églises, de l'autre côté Satan avait fait une statue d'or. Mais aujourd'hui, Satan érige et il a déjà érigé le Conseil mondial des églises. Cette organisation, vous voyez, du Conseil mondial des églises, c'est aussi une scène commanditée par Satan au moyen de la religion et de la politique pour ôter tous les véritables chrétiens qui sont le véritable adorateur du Dieu vivant de la scène pour remplir toute la terre de l'idolâtrie afin que tout homme qui vit sur la terre adore Satan. Le Conseil mondial des églises est un instrument de Satan que, au moyen de l'Union des églises pour obliger tout homme sur la terre à adorer Papate kumwabudu Shetani. L'église est avec moi. Et nous avons montré. Natulionesha tena. Conformément à Daniel chapitre 3 verset 12. Ufatana na Danieli sura 3 mstari wa 12. Que c'est seulement les fils de la perdition. Ya kwamba ni paka batoto ya upotevu. Qui ont adoré la statue d'or de Nebuchadnezzar. Et aujourd'hui aussi, il n'y a que les fils de la perdition qui vont adorer, apprécier, qui vont entrer dans les conseils de l'église. C'est eux seuls qui seront pris dans ce piège-là. Mais aucun véritable chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ne peut adorer cette image de la bête, ne peut recevoir la marque de la bête, ni entrer dans le Conseil mondial des églises, comme c'est vu le cas de ces trois amis de Daniel. Oui, bien-aimé frère. Et ce que nous disons, ce n'est pas l'histoire, c'est une réalité. J'ai promis qu'on en parlera en détail. Vous voyez bien mes frères, nous avons dit vendredi, comment peux-tu connaître que tu es un fils de la perdition? Regardez seulement ton cœur. Si dans ton cœur tu n'as pas l'amour de la vérité, tu n'as pas l'amour de la vérité. Deuxièmement, tu ne fournis aucun effort pour naître de nouveau. Vous êtes déjà un candidat, voyez, à la marque de la bête. Tu vas adorer la bête. Il n'y a rien qui va vous épargner. Parce que ici où nous allons, il y aura un ordre qui sera donné comme cela fut donné au temps de Nebuchadnezzar. Où quiconque ne fera pas partie du conseil de l'église, du conseil mondial des églises, sera persécuté et tué. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cette persécution qui apparaîtra, tu ne peux pas y résister. Tu ne peux pas y faire face. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis un chrétien, mais comme on nous a enseigné ça, je vais résister. Vous mentez et vous vous séduisez. Sans la nature de Christ, sans le baptême du Saint-Esprit, sans être véritablement un chrétien, vous ne saurez pas résister à la persécution. Parce que le temps viendra où tu ne peux ni travailler, tu ne peux ni aller au marché, tu ne peux ni faire les champs, tu ne peux ni rouler la moto, tu ne peux ni aller à l'hôpital, tu ne peux ni faire n'importe quelle activité sans yote avoir cette marque de la bête. Vous voyez bien mes frères, sans faire partie du Conseil mondial des églises, tu n'auras ni la possibilité de prier. Les églises qui ne croient pas, qui ne feront pas partie du Conseil mondial des églises, seront carrément fermées. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Tu ne peux pas acheter le sucré sans avoir cette marque. Na ile picha, tu ne peux pas payer le pain. Voyez, tout sur la terre padunia, sera conditionné na, à l'adhésion au Conseil mondial des églises. Et celui qui a des oreilles, kwa na masikio, qu'il entende. Apate kusikia. C'est pourquoi nous avons terminé turishia, avec Apocalypse chapitre 13, sur lequel nous reviendrons. Mule tutarudiria. Verset 4. Et ils adorèrent les dragons. Na bali mwabudu le joka. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Nous allons tout expliquer, ce n'est pas un problème. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Et qui peut combattre contre elle? Regardez dans le verset 7. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Quand le temps viendra, les saints eux-mêmes seront vaincus. Mais si toi, tu n'as rien en toi, que feras-tu? Parce que le pouvoir qu'il aura est de vaincre toutes les tribus de la terre, toutes les nations de la terre, toute langue. Et dans le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Notre sécurité, c'est le sang de l'agneau. Vous n'aurez pas de sécurité dans l'argent, dans quoi que ce soit de matériel. C'est pourquoi vous qui vous a donné plus à l'argent, vous vous a donné plus au matériel, vous négligez la parole de Dieu, vous êtes seulement tombé sous la séduction de l'ennemi. Pour que vous receviez la marque de la bête. Oui, bien-aimé frère. Et c'est un signe qui prouve que votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Votre négligence dans les affaires de Dieu, votre froideur dans les choses de Dieu prouve à suffisance que ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie de l'agneau. Votre zèle pour les fausses choses, l'amour du mensonge, parce que l'écriture est claire, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils recevront l'esprit d'égarement pour croire au mensonge. Il n'y a que les deux. Voyez, est-ce que vous comprenez? Il n'y a que les deux. Soit tu reçois l'amour de la vérité pour être sauvé, soit tu manques l'amour de la vérité, tu reçois un esprit d'égarement pour croire au mensonge afin que tu sois condamné. C'est vrai. En dehors de cela, en dehors du Conseil mondial des églises, kutosha mumbele muungano ya ulimwengu mzima ya makanisa, nous qui croyons au message du temps de la fin, si venye kuamini ujumbe ya wakati ya mwisho, qui nous a été apporté par le prophète William Marion Branham, le prophète de Malachi 4, il eritulete wa na nabi wa wakati wa mwisho, nabi wa Malachi, nous devons aussi encore veiller pour ne pas tomber dans l'écuménisme du message. Vous dormez? Vous dormez? On évolue. Nous particulièrement, qui croyons le message biblique du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham, selon la promesse de Malachi 4, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans l'écuménisme du message. L'écuménisme du message est une scène organisée par Satan pour séduire les croyants qui ont échappé au Conseil mondial des églises. L'écuménisme dans le message. Umoja ya makanisa ndani ya ujumbe. C'est aussi une scène que Satan a organisée. Nayo ni maandamano ile shetani alitengeneza. Pour tendre les pièges à ceux qui ont échappé aux églises dénominationnelles et à l'église catholique. Afin de les amener à une fausse adoration qui les conduira à la mort. Aujourd'hui, dans le message Dania ujumbe qu'a apporté William Marion Branham, il est donc Branham a refundisha. Il y a plusieurs doctrines. Muna kwa mafundisho ya msingi ya mingi. Qui ne cadre pas avec la Bible sainte. Yashipo kuambatana na Biblia takatifu. Dans le message qu'a apporté William Marion Branham, ujumbe ile donc Branham a refundisha. Il s'est levé des prédicateurs. Muna lamuka baubiri. Des instruments de Satan. Vyombo vya shetani. Des éléments de Satan. Vyombo vatenda kazi ya shetani. Que le diable a suscité. Bale shetani analamusha. Dans différentes doctrines mumafundisha kwa chana ya msingi. Qui s'opposent à la Bible. Yenye kupinganisha Biblia. Et au véritable message biblique qui a été apporté. Yenye kupinganisha ujumbe wa kweli ya kibiblia ile walihubiri. Pour prêcher l'unité. Jua kufundisha umoja. Autour du message. Kando kando ya ujumbe. De William Marion Branham. Ya William Marion Branham. Plusieurs différentes doctrines. Mafundisho ya mingi ya msingi. Unis dans la famille Branham. Yenye kuungana mujama ya Branham. C'est-à-dire. Manaki. Il s'est levé. Unesha kulamuka. Dans le message. Mujumbe. De faux prédicateurs. Baubiri ba bongo. Des instruments de Satan. Jombo ya shetani. Il prêche et il dit. Beko nafundisha na kusema. Nous qui croyons au message de William Marion Branham. Si venye kuamini ujumbe ya William Marion Branham. Nous sommes tous de Branham. Si bote tukuba mujama ya Branham. Peu importe nos différentes doctrines. Aizuru ma mafundisho yetu ya kuachana ya msingi. Peu importe nos divergences. Aizuru kwa nani kuona kwetu kwa chana. Lakini tuko na ujumbe moja moja. Nous sommes de la même famille. Tuko ba mujama moja. Nous pouvons être ensemble. Tunaweza kuikala pamoja. Dans une famille. Mujama moja. Nous pouvons avoir des divergences. Tunaweza kuwa na kona kwa kuachana chana. Mais cela ne signifie pas lakini ile haimaanishi ya kwamba que nous sommes pas de la même famille. Ya kwamba tuna wa mjamaa moja. C'est un mensonge. Bile na bini vya bongo. Comme quelqu'un qui croit. Namna kani mtu ula naamini. Que Branham est Dieu. Ya kwamba Branham njo Mungu. Avec celui qui ne croit pas. Na ula ashiamini ya kwamba Branham ni Mungu. Peuvent être un. Eti banawezi kwa mmoja namna gani. Comme quelqu'un qui croit. Namna kani mtu ule anaamini. Que Jésus-Christ est déjà venu. Ya kwamba Yesu anaisha kuja. Et celui qui attend le Seigneur Jésus-Christ. Na ula angari na mchunga Yesu. Peuvent être un. De la confusion. Comment quelqu'un qui croit les choses qui sont en dehors de la Bible, les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, et celui qui croit les choses qui sont dans la Bible peut être un. Comment quelqu'un qui croit qui vit dans les millénaires et que les morts sont déjà ressuscités, et celui qui croit, et celui qui croit que les morts ne sont pas ressuscités et nous attendons les millénaires, peuvent être un. Ça, c'est de la confusion. Il est ni mvruko. C'est de la confusion. Iko mvruko mtupu. Cela est faux. Ni bia bongo. Nous ne sommes pas de la famille Branham. Si atuna ba mujama ya Branham. Nous ne serons jamais de la famille Branham. Atuwezi kuwa kamwe ba mujama ya Branham. La famille Branham se trouve aux États-Unis, à Jacksonville. Jama ya Branham iko napatikana la famille de Branham est formée de Billy Paul. Famille ya jama ya Branham iko na Billy Paul, Rebecca, Rebecca, Sarah, Sarah njoba. Voilà les enfants de Branham. Bale njoba toto Branham. Nous ne sommes pas les enfants de Branham. Si atuna ba toto Branham. Nous sommes les fils de Dieu. Si atuku ba toto ya Mungu. Branham ne nous a jamais engendré. Comment nous allons faire partie de sa famille? Même spirituellement parlant, nous ne faisons pas partie de la famille Branham. Branham n'est pas venu mourir à la croix pour nous. Branham ne nous a jamais sauvés. Il n'a jamais versé son sang pour le pardon de nos péchés. Nos bien-aimés frères, Branham est un pécheur qui est sauvé de la même manière que nous à travers le sang versé au bois du calvaire. Il ne veut pas être notre père et nous ne pouvons pas faire partie de sa famille. Mais cette fausse doctrine comprend dans le message l'écuménisme dans le message en disant que nous sommes un dans la famille Branham. C'est une doctrine qui apparaît piège. Vous voyez, elle est présentée sous la forme de la piété. Ces faux prédicateurs de la famille Branham qui prêchent l'écuménisme du message au nom de la famille Branham, ils enseignent et disent l'amour uni, mapende kunaunganisha. La doctrine divise. Ma fundisho ya msingi kuna kabulana. Frère Branham nous a enseigné. Frère Branham Marie tufundisha. Lorsqu'il est allé au-delà du rideau, il a dit, seul l'amour entrera. Ni paka mapendo njoo itaingia. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Comment tu peux t'accéder? Si tu prends un message, qu'ils ont des démons, ya kwamba et avoir l'argent, et avoir l'amour. Na ukwete na mapendo. Cela est faux. Vous n'avez pas l'amour. Vous voyez, quand vous leur dites, moi je ne suis pas, je ne fais pas partie de la famille Branham. Il dit, vous me rejetez. Je suis quand même ton frère. Je crois le message de Frère Branham. C'est le message du temps de la fin. Nous n'avons pas de prophète. Nous n'avons qu'un seul prophète qui nous a amené la Bible, qui nous a amené le message. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, cette doctrine ou cette évangile de l'unité, en dehors de la vérité, captive les faibles, des prosélytes, Et vous avez dit ça, vous n'avez pas l'amour. Comme souvent les gens qui ne sont pas réellement chrétiens sont hypocrites. Ah, ils veulent beaucoup, ils veulent recevoir beaucoup d'honneurs. Vous voyez, pour lui quand on dit tu n'as pas l'amour, il veut prouver qu'il a l'amour. Et avoir l'amour, c'est accepter d'être dans cette union écuménique du message. Frère, c'est un mensonge horrible du diable. C'est le même démon qui avait inspiré Nebuchadnezzar à faire la statue d'or pour qu'elle soit adorée sur cette terre. C'est le même démon qui invite toutes les dénominations protestantes à s'unir à l'église catholique dans le conseil mondial de l'église pour adorer Satan. C'est le même démon qui appelle les faux croyants qui croient de fausses doctrines au nom du message de Branham à s'unir dans la même famille Branham. C'est vrai, frère. Des mensonges. Des gens parlent de l'unité. En interprétant mal.